Avant la rupture, je parlerai de mes joies et de mes doutes, de l'amour que je redoute, que j'ai connu, perdu en cours de route. Et ça me fout les boules. Avant la rupture, je fonce, je renonce à mon passé, à ces souvenirs sombres. Avant la rupture, j'écris, je vis, je me vide, poursuis ma route sur la mélodie. Cherche plus le paradis parce que je l'ai déjà trouvé. Avant la rupture, moi j'ai pu le palper. Avant la rupture, j'ai connu le pur bonheur. Parfaite vie de famille, papa, maman et mes sœurs. Y'a rien à dire, à part que j'avais tout pour être bien. Pourquoi a-t-il fallu que je m'arrête en si bon chemin? Alors il faut que je le dise, que souvent je regrette. Mais je trouve même pas les mots, et c'est ça le plus bête. Qu'on est quatre à la maison, mais que je suis seul dans ma tête. Que vous avez peut-être raison, et que je veux pas l'admettre. Parce qu'un fils c'est bête, pas toujours cohérent. Ça a souvent du mal à dire je t'aime à ses parents. Et pour le dire en vrai, il me faudra peut-être du temps. En attendant, je vous aime papa et maman. Avant la rupture, je parlerai de mes joies et de mes doutes, de l'amour que je redoute, que j'ai connu, perdu en cours de route. Et ça me fout les boules. Avant la rupture, je fonce, je renonce à mon passé et à ses souvenirs sombres. Je parlerai de mes joies et de mes doutes, de l'amour que je redoute, que j'ai connu, perdu en cours de route. Et ça me fout les boules. Avant la rupture, je fonce, je renonce à mon passé et à ses souvenirs sombres. Avant la rupture, je saigne, car c'est de la haine que nos amours perdus s'aiment. Et si on s'aimait vraiment comme avant, avant la rupture, que reste-t-il de nos sentiments? Perdus dans le ciment, je sais même plus quand on se ment. Tout ce que je sais, c'est que quand tu me baisses, faut que je me venge. On suit la tendance, mœurs des abus et ça baisse plus que ça s'embrasse. Les rôles sont inversés. Et l'amour s'est fait flinguer. On redoute plus le HIV que les camés. Avant la rupture, mon cœur, j'ai dû blinder comme ces filles dont y'a que lui qu'on peut pas pénétrer. Et on sait plus à qui se fier, à quel saint se vouer ou pour quelle chose marrer. On voudrait tous s'aimer mais on fait que se baiser. Avant la rupture, chacun pour soi, tous premiers. Avant la rupture, je parlerai de mes joies et de mes doutes, de l'amour que je redoute, que j'ai connu, perdu en cours de route. Et ça me fout les boules. Avant la rupture, je fonce, je renonce à mon passé et à ses souvenirs sombres. Je parlerai de mes joies et de mes doutes, de l'amour que je redoute, que j'ai connu, perdu en cours de route. Et ça me fout les boules. Avant la rupture, je fonce, je renonce à mon passé et à ses souvenirs sombres. Avant la rupture, je suis ce type, honnête, intègre, qui voudrait vivre de la musique. Avant la rupture, on était tous des frères. À suivre, la suite se fera aux portes de l'enfer.